Regardez. Tiens, si on te parle des données, c'est que noir, c'est noir. Si on te parle des données, c'est que noir, c'est noir. Si on te parle des données, c'est que noir, c'est noir. Si on te parle des données, check. Voilà les données de la PEG qui prennent aujourd'hui le volant. Y'a attache ta ceinture car on ira toujours de l'avant. Je pense ne plus avoir le temps de perdre mon temps. Il a fallu travailler intensément pour cultiver un talent. Savoir attention mes sentiments sur une feuille de papier blanc. Si on te parle des données, c'est que tout est différent. Mais les structures indépendantes dans le hip-hop sont bien peu. Mais petit à petit, les oiseaux font leur queue. C'est une dramatisation que le hip-hop se porte mieux. Hey, les données sont dangereux. Ne joue pas, ne joue pas avec le. Yo, c'est ta voix, eh ben écoute-moi, ouais. Je vais pas à ça, j'ai tout misé sur ça, donc crois-moi, Niro ne lâchera pas. Chaque chose en son temps, mais le temps pour moi c'est maintenant. Fais place à la nouvelle école qui coûte des valeurs dans son rang. Fais-moi confiance, hip-hop en France avance. Mais quand on y pense, c'est le nec, j'ai la distance. Je ne peux pas plaire, ceux qui pleurent, ceux qui potachent, qui ont la bouche ouverte comme les jambes de Tabatakash. Couper des queues n'a jamais été mon hobby, ainsi que tous mes frères et tout le passé qui me suit. Jamais je ne me rabaisse, même pour une question de paix. Je suis un man sans monnaie et j'en suis un de la pire espèce. Pas de stress, ni reprogresse, donc encaisse. Donnez-vous l'autre rôle à la monnaie de ta pièce. Je viens porter une masse de coups à ceux qui n'ont pas cru en nous. Depuis à nous, je suis à vous. Mon profond dégoût, mais le monde est petit et seul de montagne ne se rencontre pas. Et si tu fuck avec moi, crois-moi, on se reverra à ce titre. Les délais comme si bien le combat, ainsi que les deux balles, la giga et le coup d'état. Conscient de ses actes, maths, échec et maths, apporte sa touche plaque dans un monde de white, les deux blacks. Serait pour le blanc, tape, prends ses marques pour marquer l'étape, puis frapper sa vape. Les vendus qui se sont vendus comme des Big Mac, quand tu me capes. Mon discours est vrai, et en vrai, il fait l'effet d'un règlement de compte, mais en vrai quoi, personne n'est parfait. L'erreur est humaine, et là je vois ton smile quand je dis as. Ma cible c'est toi, et pas ceux qui luttent pour que le vrai rap ait sa place. L'underground, les barbons représentent. Une éthique serrée et qui nique tous les types qui partent devant une plante. Chanté, c'est pas sur le micro, comme un maniaque ou de baisse. Fais pas mes ans sur le beat, me rend agressif. Je vais empirer ça. Le temps tu kiffes, écho. Le gringo est volé de l'aigre sous le tempo. Il est vendu, soit tous vendus, c'est vendu. Au potence de mes rimes, qu'on les extermine. Voilà comme l'homme a qu'on apprend le malagnon, les cinq c'est victimes. Les trois coups, on met sans sous et ça, les poules tenaient. Respect pour tous ceux qui luttent pour que le mouvement avance. Yeah, yeah, non, de voir les forts et ses adeptes de but d'arbitre. Donc, une spéciale tech pour échec et mat. Tous les scarlacs qui savent que ce monde n'est pas la solution.